Hi, Doc. Bon. Set you fire. I'll wait till my love might have saved time. Il y a des gens qui nous écoutent, mais n'hésitez pas à faire vos commentaires. On est là pour apprendre. Everybody is okay. Merci. Thank you, that did. I try to sing correctly, but I don't play bass correctly. I test. You want to change tempo? On essaye. Ça vous va, 130? Je sais pas moi, 130 BPM. Mais c'est vous qui choisissez, hein. Wow. 130. Un petit réglage de Benji. On va demander à mon batteur Ready? Ready, my friend. I try to synchro drum. Okay, let's go. If guitarist could start, I could follow the guitarist or keyboard. How I play. Or what you want. Okay, I follow the... I'm going to drink a little of Coca-Cola. Coca zero. Zero calorie. Coca. Zero. À vous les mecs. On garde le tempo. Je balance une batterie ou ce que vous voulez. Yeah man. Ready? Space. Putain, j'arrive pas à synchroniser. Ah, j'arrive pas. C'est quoi ce truc? Attends, attendez. Voilà, c'est quoi ça? Sorry for the... Looking for a drum, but it's not. Okay, this one is okay. I'm not really synchro, huh? 2, 3, 4. Okay, it's good. Okay, let's go. I follow you. Thank you. day. I feel your mind set your way. I'm a sunfire on the pale of faith. On the margin fire to take you. Okay, sorry, BP. On va régler le BPI. Je ne sais pas ce que ça veut dire. BPI 32. Oh, pardon, c'était déjà réglé. I start at measure 1. Merci Transistor. La longueur de la bouche. 2, 3, 4. I just survive. I'm blind to my try. I'm the man of fire. Set you by on a survive and none on this side. I'm the one I face and try to hide. I love you so too mine and I'll be brought to your mind. I love you so too mine. I'm such a fire, turn the net to mine. I'm a natural mind, it's out of the devil. It's so fine. I'm a woman, right? Just been a devil of mine. I'm inside. I tend to find. I've weighed your mind. I'm the modern sign. I've set you up. Said you are inside the dead you are. Thank you. Je vous rappelle que c'est de l'improvisation totale. C'est quand même sympathique. Des morceaux qu'on refera jamais. C'est fou la musique quand même. Mais tout est enregistré sur Ninja. Attends. Ça vous va, 90? J'ai envie de changer. Réglage. Putain, ça va pas marcher. Ah, c'est. Ah! Excuse me. 90, monsieur. 90, on vous a demandé. Ah, c'est machine! Ça va là, non? On va faire avec. Marc est un rocker là, ça va être un peu mou pour lui. Bon, c'est un truc cool. Après, je vais manger moi. La dernière. Sur la guitare là, il y avait un mec qui faisait ça, un riff à la guitare comme ça. C'est qui a fait le riff? Voilà. Non merde, faut partir à... excusez-moi. Je vais partir à la mesure 1. Je me suis calé sur un guitariste à l'heure. Allez, play with the guitar riff. Mesure 1. Thank you. I'm going to eat. Merci aux Français. Ouais, c'était vraiment bien sympa. Merci beaucoup. On écoutera ça dans la MP3. Bonne soirée. Good night.